Septembre. Après ces 5 longs mois que j'ai passés loin d'elle, j'interroge mon cœur. Il est resté fidèle. En mai, dans la jeunesse exquise du printemps, j'ai souffert en songeant à ses beaux 17 ans. Quand la nature, en juin, de rose était pleine, j'ai souffert en songeant à sa suave haleine. En juillet, quand la nuit peuplait d'astres les cieux, j'ai souffert en songeant à l'éclat de ses yeux. Où t'as flambé, septembre enfin mûrit la vigne, sans que mon triste cœur s'apaise et se résigne. Toujours son souvenir a le même pouvoir, et je n'ai qu'à fermer les yeux pour la revoir. François Coppée.